On les compte en centaines de milliers de Camerounais qui ont été tués parce qu'ils défendaient le Cameroun. C'est dans ces conditions que l'État du Cameroun est né. Vous voyez que c'est le crime absolu qui a engendré cet État, le Cameroun. Et il a continué à entretenir ce germe criminel qu'il a fait par un système politique. On était au parti unique, extrêmement répressif, soyez Joe, qui gérait les contradictions politiques, Bertrand l'a dit, par le meurtre, par l'assassinat politique. Le Wandje, les IPC l'ont vécu. Wandje qui a été fusillé en plein jour. Et ça a continué. Afrique Média, le monde, c'est nous.